Thank you. Records, Reflex Records, Reflex Records, Reflex. Bonsoir. Bienvenue aux entretiens de Grenoble. La question, donc, ce soir, on va essayer de répondre ou de se poser la question, d'apporter des éléments de réponse à cette question que beaucoup de gens se posent ici et là. Est-ce que c'était mieux avant ? Voilà, une question tellement générale qu'elle peut porter à faire sourire, mais j'ai l'impression que on est en droit de se la poser de manière tranquille, rationnelle, évaluant les pour et les contre, le oui et le poids du oui, le poids du non, etc. J'avais prévu un invité qui a dû annuler à cause de son travail. Voilà. Alors, est-ce que ça pèse dans la réponse à la question ? Je ne sais pas. Ceci dit, comme c'était quelqu'un de 10 ans de moins que moi, j'avais pensé, on va dire, centrer l'avant, enfin, reconcentrer ce qu'on appelait par la période avant, par le moment avant, sur en gros les années 2000. Voilà. Pour que ce soit une période qui soit vécue par lui et par moi, et oui, voilà, et pas trop proche ni trop éloigné. Du coup, les musiques que je vais mettre, ce sera essentiellement des musiques de ces années-là, voilà. Et ensuite, bon ben, ce sera des considérations assez générales, sachant que bien sûr, je ne compare pas la période cette période-là présente à la période pré-pandémique, puisque bon, bref, voilà. Donc je me place, on va dire, décembre 2019 par rapport à, je sais pas, on va dire 2090. Bref, je vais juste faire des propositions quand j'en aurai, et voilà. Sinon, poser des morceaux, et bien sûr, le chat va pouvoir peut-être alimenter cette conversation. Cette conversation, ce solo, ce monologue. Alors, pour commencer, j'ai choisi quand même J'ai choisi un morceau qui va ouvrir ce. qui va ouvrir cet entretien de Grenoble, qui est un morceau de Mike Heron, qui a fondé Incredible String Band. et qui a sorti un album solo. Donc album solo du même nom que Mac Aaron. Et donc il y a un morceau qui s'appelle Beginner's Guide to Past Lives. Voilà. Et c'est un morceau qui célèbre le présent à l'intention des gens plus jeunes que lui qui vivent cette époque, donc j'imagine c'est dans les années 70. Voilà, on écoute, c'est un très beau morceau. Mike Heron, A Beginner's Guide to Past Life. Ça commence doucement. Cards and no welfare. And through the peat fire smoke, you could barely see that there was no deep freeze, no, no TV, no double glazing, and no high five. Well, they were living hard without the pantyhose, without the metric egg or the video. Just staying at home then was a trial by ordeal. So please don't you talk to me, don't talk to me. Si vous avez écouté les paroles, en gros il dit ouais, il n'y avait pas de carte de crédit, etc. Tu te sens déprimé. Bon, en fait, il fait une sorte d'apologie de l'époque où il vit. Il n'y avait pas de pantyhose. Voilà, bon, il faudrait écouter plusieurs fois et j'ai essayé de trouver les paroles, mais je ne les ai pas trouvées. Mike Heron. On va passer un petit peu dans le. Un hommage à une icône des années 2000. Wir tanzen in vier Eck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen in vier Eck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen in vier Eck, wir tanzen konzentriert. Ich tanz mit dir, du tanz mit mir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen wir tanzen konzentriert. Wir tanzen konzentriert. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen konzentriert. Sing this one without a really beautiful woman to sit here. Hold on. You're really, I was looking at you before, you seem really beautiful and nice. Would you come sit here? Just all you have to do is sit there. It's 2 feet ahead of where you were before. I guess I can't do the song. It's her fault. I'm not gonna do the song and it's her fault. What's your name? Her name's Anna, and she's gonna sit here. That's so great. It's a slow song. I am not going to sweat on you, I promise. Please look in my eyes. Come on. Play the fuck along! I can't see you. See me, I wanna see you. Over here, take a look. You are everything in time and space. Forget the face you knew. Written in the afternoon, the ancient ruins of you. Take a trip into the sky with me. Thank you. trip into the sky with me. Everybody else is looking at me, why won't you? Voilà, bon, alors Gonzalez. Un morceau joué en 2001 pour, on peut voir que l'humour et le rapport, quelque chose qui m'est modifié désormais, donc ça fait penser que, bref, c'est mieux maintenant. Ça me fait penser, c'est seulement 6 ans après une émission où je suis en ce moment, je regarde des paris dernières, voilà, par Thierry Ardisson. Et voilà, des choses sont vraiment choquantes. Et dans le numéro 4, il y a une interview de Gabriel Matzneff, voilà, pour info. Voilà, donc, était-ce mieux avant ? On se pose la question. Naturellement, il y a plein d'éléments qui pourraient nous faire penser que oui, mais non. En tout cas, si on considère cette question de manière, je sais pas, philosophique ou rationnelle, en tout cas, c'est une question très vague. On peut se poser cette question de manière personnelle, disons. Est-ce que moi, j'étais dans une meilleure situation avant que maintenant ? Bon, ben là, je ne sais pas, les réponses sont sûrement assez diverses. Voilà, je vous laisse donner votre réponse sur ce sujet ou pas, sur le chat. Sinon, on peut avoir une réponse plus, on va dire, sociétale. Sur, je sais pas quoi, la modification des perceptions. Comment certaines questions sont maintenant abordées. Voilà, en ces termes, la question peut se poser. Et puis ensuite, il y a sûrement une réflexion qui aurait tendance à dire que cette question est totalement absurde, puisqu'il faudrait déjà savoir quand est-ce que c'était bien. Voilà, donc je vous laisse sur ces quelques réflexions et vous mets un morceau de... des années 2000. expliquer un peu. Ouais, donc c'est bien ça la question. Hein. Alors, une manière de voir la question, est-ce que c'était mieux avant ? Bien sûr, les personnes qui la posent, peut-être, sont les personnes qui ont perdu des choses, quoi, avant. Qui, avant, avaient plus en liberté ou je sais pas quoi. Donc, bien sûr, c'est une question qui n'émane, qui ne pourrait, a priori, qui n'émane déjà que des gens qui plus vieux et qui bénéficiaient de certaines choses dont ils n'ont plus l'usage. Voilà. C'est pour ça que, bon, il y a beaucoup de... Ça, en fait, est-ce que c'était mieux avant ? Ça peut être... si la réponse est oui, eh bien, disons qu'on est dans le conservatisme, voilà, tout simplement. C'est donc l'absurdité de la question, effectivement. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'était mieux avant ? Ma question, c'était encore au-delà de ces considérations. Enfin, disons que si c'était mieux avant, ça veut dire que il y a un moment donné, ça a été bien. Et donc, si ça a été bien, ça veut dire qu'il y a un moment où, je sais pas, des choses ont été données ou une situation était favorable à quelqu'un ou à une classe en particulier. Voilà. Et donc, si c'est mieux avant et qu'on répond non, c'est que ce bien a été diminué. Et donc, ces privilèges ou je ne sais pas quoi, ces facilités ont, elles aussi, été diminuées. Voilà, donc bien sûr, on sait très bien à quoi je fais référence. Voilà. Alors, je suis désolé, mais j'ai choisi que des morceaux des années 2000. Et donc, encore un morceau des années 2000 qui parle justement de quelqu'un qui perd son privilège, on va dire. C'est le morceau de LCD Sound System, Losing My Edge, finalement. Et il parle de ça, alors j'ai jamais vraiment compris s'il était sincère ou pas. James Murphy sur ce morceau. I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids whose footsteps I hear. When they get on the decks, I'm losing my edge to the internet seekers who can tell me every member of every good group from 1962 to 1978. Although I'm losing my edge, I'm losing all the kids to the art school Brooklynites and Berlin and little jackets. And borrowed nostalgia for the unremembered 80s. Well, I'm losing my edge. I'm losing my edge. But I was there. I can hear the footsteps every night on the decks. But I was there in 1974, the first suicide practices in a loft in New York City. I was working on the organ sounds with much patience. I was there when Captain Beefheart started up his first band. I told him, don't do it that way. You'll never make a dime. I was there. I was the first guy playing Daft Punk to the Rock Kids. I played it at CBGB. Everybody thought it was crazy. We all know. I was there. I was there. I've never been wrong. I used to work in the record store. Had everything before anyone. I was there in the Paradise Garage DJ booth with Larry Levan. I was there in Jamaica during the Great Sound Clash. I woke up naked on the beach in Ibiza in 1988. But I'm losing my edge to better looking people with better ideas and more talent. And they're actually really nice. I heard you have a compilation of every good song ever done by anybody. Every great song by the Beach Boys. All the underground hits. All the Modern Lovers tracks. I heard you have a vinyl of every Niagara record on German imports. I heard that you have a white label of every seminal Detroit techno hit, 1985, 86, 87. I heard that you have a CD compilation of every good 60s cut and another box set from the 70s. I hear you're buying a synthesizer and an arpeggiator and throwing your computer out the window because you want to make something real. You want to make a jazz record. I hear that you and your band have sold your guitars and bought turntables. I hear that you and your band have sold your turntables and bought guitars. I hear everybody that you know is more relevant than everybody that I know. Sonic Force just hit me. One Akinfen, Rogashi, David Axelrod, Electric Prunes, Gil Scott Heron, the Slit Spouse, Mantronics, Barrow Sanders, and the Fire Engines, the Swan, the Soft Cell, the Sonic, the Sonic, the Sonic. Morceau, j'avoue, de Jess Murphy, hein. Bon, je, bien sûr. Hein. Au premier, je crois. Sorte d'aveu. Ouais. J'ai jamais bien compris, en fait. ce morceau, mais bon, c'est un bon morceau. C'était vraiment un aveu de dépassement, ou si c'était un truc malin pour ou une crainte. Bon, c'est tout en même temps. Le temps, alors là, on parle dans le temps, est-il une continuité? Je pense que oui. Est-ce qu'elle est monodirectionnelle? Ça, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'était mieux avant? Alors, on peut aussi. Donc, on a pris le point de vue, on va dire, le plus qui fait penser que c'est non. Donc, il y a quand même eu de gros progrès. On est d'accord là-dessus, sur plusieurs questions. En ce moment. Bon, je vais mettre un autre morceau. Et puis, ensuite, il y a cette question. Bien sûr des droits du libéralisme qui est en place, qui bien sûr fait pencher du côté du oui, alors, ou du moins le néolibéralisme, alors est-il pire que le capitalisme ou que le libéralisme, par exemple? Est-ce que l'utilisation de l'argent public pour les fonds privés, est-ce que c'est quelque chose de pire? Bon, j'aurais tendance bien sûr à penser que oui. Ensuite, quand le néolibéralisme soi-disant devient vertueux, voilà. Alors bon, moi j'ai quelques opinions là-dessus qui me feront penser que il y avait des choses qui étaient moins tordu avant. Mais je ne sais pas. Mettons encore un peu de musique avant de poser ces questions désagréables. Je ne sais pas si c'est le morceau que je vais mettre. Chavez. The year is 2006. Politics! Time to solve! Non, je peux pas mettre ça. C'était pas... C'est un remix des Klaxons, pour info, groupe de New Rave des années 2000. Je crois que c'était ça que je voulais mettre. Yeah! Ouais, je pensais qu'avant je connaissais moins de choses, donc c'était moins bien quand même. J'arrive pas à enlever le disque. Un remix d'un morceau des Klaxons. Alors ça, c'est de la musique de pas des années 2000, mais bon, c'est plutôt un groupe, un duo, dont on a appris la séparation. Non, allez, on n'est pas obligé d'en parler. Mais bon, vu que le truc s'appelait Random Access, ouais, bon, peu importe, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? C'était mis avant, donc en fait, à la fois oui et à la fois non, hein, voilà, tout simplement. Ce sera la réponse à la question. Restons alertes au changement. Continuons de combattre pour ce quoi on croit. Et voilà. Regardons les choses de l'extérieur, mais sans trop se moquer. Par exemple. Un morceau de Rex the Dog qui s'appelle Prototype. Qui est sorti en 2000 et quelques. Est-ce que c'est marqué ? Non. Voilà, Rex the Dog. On s'écoute ça. Wow. qui veut écouter Daft Punk. En fait, de toute façon, on peut pas se poser cette question, est-ce que c'était mieux avant, puisque bien sûr, nos points de vue toujours évoluent. On est toujours en mouvement, comme dirait l'autre. Et donc, toutes les perceptions changent, et même notre façon de percevoir change. Donc, c'est à la fois les éléments extérieurs et notre perception qui change. Donc, c'est quand même très compliqué. Il y a trop de choses qui changent. Et finalement, on peut confondre le changement d'une situation avec notre changement interne. Voilà. Sinon, il y a une bonne raison de se réjouir, c'est que apparemment le nombre des accidents de la route ont diminué depuis une dizaine d'années et depuis l'année dernière aussi. L'année dernière, il y a eu moins d'accidents, mais des accidents plus graves en fait, je crois. C'est ça. Très bien. Alors, on continue cette petite aventure socio-temporelle. Ce morceau, c'était donc Rex the Dog. Est-ce que la fête était mieux en 2005? Je ne sais pas. On va continuer sur le même genre de délire jusqu'à la fin, avec un remix de Tiga. Ah non, c'est un morceau de Tiga. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et votre participation. The power punch that beats the bunch here. I'm beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. A power punch that beats the brunch you up. Power punch that beats the bunch, yeah. Ooh, my boy. Power punch that beats the bunch, yeah. Ooh, my boy. Yes. Tiga, move your body. Bon, il y a un truc que j'aime pas trop en ce moment aussi, avec le néolibéralisme, c'est les vins, les nouveaux vins. Voilà. Bon, j'avoue. Voilà, je devais le dire. Je dis pas que c'était mieux avant, mais bon, il y a quelque chose de la modernité qui me déplaît, et c'est ça. Et je dois l'avouer. Bref. Voilà. On va mettre un autre morceau du passé proche, qui est un morceau de Simon Bookish. C'était sur ce label qui s'appelle Tom Lab. Pareil, 2006, il me semble. 2005. Portrait of the Artist as a Fountain, qui est un hommage à Bruce Nauman, à une pièce de Bruce Nauman. Allez. Le néo, j'ai dit. Néo. Néo-vin, néo-libéralisme. Voilà. A portrait of the artist as a fountain, riding off into the sunset alone. Checks his ears, nose and eyes as he travels. He's a cowboy. He's the cowboy now. Just a portrait of the artist as a fountain. Wishes farewell to the clowns on the way. And he says, run from fear, fun from real. That's what he'll say. That's what he'll say to them. Just a portrait of the artist as a fountain, riding off into the sunset alone. The checks his ears, nose and eyes as he travels. He's a cowboy. He's the cowboy. There's a fountain. Wishes flower. Merci Simon Bookish. Bookish voulant dire rat de librairie. A-t-on fait le tour de la question était-ce mieux avant? Bien sûr que non, puisque c'est une question trop large pour qu'on puisse faire son tour. Tellement large et générique que peut-être ça ne valait même pas le coup de se la poser. Ceci dit, je vais mettre un morceau qui parle du passé de plusieurs manières. La première étant que c'est un morceau des années 80 qui est chanté en français et qui utilise des rythmiques, on va dire, importées et qu'il a été acquis à Bimbo Tower. Voilà. On écoute, c'est Ginette Exotol, reste là tranquillou. Reste là tranquillou, ma chérie. Je vais chercher le billet pour Tahiti. Nous prendrons le bateau. Dans un mois, nous serons chez nous deux. Tu auras des colliers de coquillages et danserons souvent le tabouret. Derrière, il y a un autre morceau qui s'appelle Tous les légumes. Voilà, c'est sorti sur le label Reflex, ouais, distribué par Fabien Garage, je crois, ou l'inverse. Ah non, il y a deux labels, Fabien Garage et Reflex. Distribution Musidisc, autant pour moi. On continue cette exploration dans le passé proche, en tout cas pour moi. La mémoire nous rappelle ce qui a été. Alors, est-ce que ne pas faire état de ce qui a changé signifie qu'on oublie la mémoire? Voilà. Alors, est-ce qu'on doit juste considérer les choses comme elles étaient avant sans porter de jugement? Je ne sais pas. En tout cas, se poser la question, non pas de si c'est mieux avant, mais de ce qui a changé, nous permet, je sais plus quoi. Bon, alors c'est Sugar Babes, un groupe de R&B anglais. Et le titre c'est Freak Like Me. Alors j'espère que c'est le bon. C'est le bon. Bonne vitesse. Et la bonne. Le bon remix. We'll be right back. Sugar Babes, Freak Like Me. Ouais, je suis assez sûr de ce morceau là. J'aime beaucoup le R&B, personnellement. Et ce mix est, comment on va dire, est un signe des temps, j'ai envie de dire. Donc en tant que tel, je lui accorde tout mon respect. Voilà. Allez, je crois que on va terminer cette émission gentiment avec quelques autres morceaux. Je ferai une conclusion après le prochain. Peut-être non définitive, bien sûr. Voilà. We'll be right back. Français sont déterminés du dehors à entrer sous tel rapport qui caractérise, mais pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle soit déterminée à entrer sous un autre rapport. À ce moment-là, elle passe dans un autre corps. Elle ne m'appartient plus. Ça dure un certain temps. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire alors? En quoi ça doit nous éclairer? En fait, je ne peux parler d'opposition entre deux individus que dans la mesure où ces individus sont considérés comme existants ici et maintenant. Très important pour la formation des rapports d'opposition. C'est uniquement dans la mesure où des individus sont considérés comme existants ici et maintenant qu'ils peuvent entrer. Ce n'est pas une question de bonté ou de méchanceté, c'est une question de possibilité logique. Je ne peux avoir des rapports d'opposition avec un autre individu qu'en fonction de quoi? En fonction des parties extensives qui nous composent, qui nous appartiennent. Hein? C'est ça le lieu. Le milieu de l'opposition, c'est ça, c'est les parties extensives. Et en effet, c'est bien forcé. Il s'agit de quoi dans les oppositions entre individus? Bien, dans les oppositions entre individus, il s'agit toujours de savoir sous quel rapport, finalement, vont entrer tel ensemble infini de parties extensibles. Imaginez la triste situation. Je me bats avec un chien pour manger une espèce de pâté. Bon. Spectacle horrible. Comment le raconter, ce spectacle? Eh bien, il s'agit de quoi? Vous avez trois termes, hein? La nourriture, le chien et moi. Alors je mords le chien pour m'emparer de son aliment. Le chien, il me donne un coup de patte. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport viande. Vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport chien. Vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport moi. Et tout ça, ça tourbillonne. Et tout ça, ça s'entrechoque. À savoir, moi, je veux conquérir les parties extensives de la viande pour me les assimiler, c'est-à-dire leur imposer mon rapport. Faire qu'elles n'effectuent plus le rapport viande et qu'elles viennent effectuer un de mes rapports à moi. Le chien, il veut pareil. Le chien, je le mords, c'est-à-dire je veux le chasser, etc., etc. Lui, il mord, enfin on n'en sort plus. C'est le domaine des oppositions. L'opposition, c'est l'effort. C'est l'effort respectif de chaque existant pour s'approprier des parties extensives. Qu'est-ce que veut dire s'approprier des parties extensives? C'est-à-dire faire qu'elles effectuent le rapport qui correspond à tel individu. Bon. En sens, je peux toujours dire, je suis détruit par plus fort que moi. Et en effet, tant que j'existe, c'est le risque de l'existence. Bon. Yes. John Mouse, Times is Weird. Aussi un album des années 2000. On arrive à la fin de cette émission. On a un petit peu toujours un petit peu réfléchi à cette question. Est-ce que c'était mieux avant? Alors en disant pourquoi oui, pourquoi non, et pourquoi finalement c'était un peu absurde de se poser cette question. Voilà, donc c'est le statu quo. Bien sûr. C'est pas le statu quo. Bon, voilà, chacun ses luttes et il faut quand même. Bon, bref. Merci à votre. Alors, j'ai sur le chat, c'est possible de perpétuer cet entretien. Je reste sur le flux les entretiens de Grenoble. Mais bon, je ne suis pas sûr de tenir la barre. Les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, ce sera la finalité de la. Pas la finalité, le mot de la fin, pardon. On écoute un morceau de Imogen Heap. Voilà, merci pour cet entretien de Grenoble. J'essaierai de travailler plus la prochaine fois. Appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. What you say, that you only meant well, of course you did, what you say, that it's all for the best, of course it is, what you say, that it's just what we need, you decided this, what you say, what did she say? Came falling out your mouth. Mid-sweet talk news. People were gullible. Speak no feeling. No, I don't believe you. You don't care a bit. You don't care a bit. Sunlights came falling out your mouth. Mid-sweet talk news. People were gullible. Speak no feeling. No, I don't believe you. Outside, looking at the world go by. So you're standing all alone. can make me feel a king and surrender everything. A fire can't control. Hold me in your arms again. Strangers down a lonely lane. We can still survive. Drifted on the stream of life. Touch your velvet skin. Now a lonely night on the way of no return. Blame the devil at all. I get over this quick. Tomorrow I'll move on and think what a kick.

skin. Laser beams came out his eyes. He jumped off the crosses and ran for our lives. On top of bumpy days and bumpy nights, back out to Papa Lord. Yeah, it was tight. And around the corner, inventing marijuana. Surrounded by state girls, time to let their dark on me. It was a nice life at the top, but I like drinking scotch and all that they had was pop. Then it occurred to me to make a phantom beat that beat of the goat skin drums and do the rhythm machine. I'll devour this thing, we'll see how they get to simple bits for electricity. Now I'm electric, motherfuckers, you can't stop this. MC suckers, get your damn hands on my microphone. Give it to me, it's Gal James property. Cause tonight, I'll make the dance from a height like laser saving. And you know we like it like that. I'll make the dance from a height like lasers saving. And we know you like it like that. Who rocks the party? We rock the party. When everybody rocks at the Gal James party. Who loves that body? We love that body. Well, everybody knows that they don't change bodies. Who rocks the disco? We rock the disco. Don't change when the party slams. When it's the disco. Who rocks the party? We rock the party. Everybody rocks at the don't change bodies. We'll be right back. Thank you.